Hallelujah. Hallelujah. Now, maintenant, every once a year, une fois l'année, when I go all over the earth, quand je pars dans toute la terre, the Lord has allowed me, le Seigneur m'a permis, to do one mega healing service, de faire une méga service de guérison, in Kenya. Au Kenya, we call it the New Year's Eve. Nous l'appelons une soirée de réveillon à des fins d'année. Alléluia. Alléluia. So, alors, when I was preparing for one of those meetings, quand je préparais l'une de ces réunions, the one for December 2012. C'est lui de décembre 2012. Then the Lord came to speak with me on November 21st. Alors le Seigneur est venu me parler le 21 novembre. About that meeting. Sur cette réunion qui arrive. On December 31st. Le 31 décembre. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Look at this. Regardez ceci. I saw myself in the dream. Je me suis vu moi-même dans le rêve. And I was standing at the altar of the Lord. Sur l'autel du Seigneur à l'estrade. In that dream, I was standing at the altar of the Lord. Dans ce rêve, je me tenais devant l'autel du Seigneur. And there were millions of people. Il y avait des millions de personnes. And when I was standing there, et quand je me mettais debout là-bas, he was showing me the other meeting that's coming. Il m'a montré l'autre réunion qui venait. That one of 31st. Décembre 31. As I was standing there, quand j'étais debout là, then I found myself looking up into the sky. Je me suis vu en train de regarder vers le ciel. And when I was looking up, quand je regardais en haut, then I saw heaven open. Et je vis encore le ciel s'ouvrir. And when heaven opened, et quand le ciel s'est ouvert, in that dream, dans ce rêve, then I saw, et alors je vis, the glory of the Lord like a cloud. La gloire de Dieu comme une nuée. Come out of heaven like a tornado. Et sortir du ciel comme une tornade. And pass through the entrance. Et passer au travers de l'entrée. But something happened. Est-ce que quelque chose s'est passé? When I have seen that. Quand j'ai vu cela, when the glory just began to come out like quand this, la gloire a commencé à descendre comme ça, then all of a sudden, et soudainement, a massive healing anointing hit the stadium. Une onction de guérison massive a touché la scène. And the cripples began to walk, the blind, the one. It was very chaotic. Les paralytiques ont commencé à marcher, les voix ont commencé, les aveugles ont commencé à voir, c'était chaotique. The women crying, les femmes criaient, because the baby is walking for the first time. Parce que le bébé a marché pour la première fois. What is very chaotic. C'était très chaotique. If you watch the DVD, it's very chaotic. Si tu regardes la vidéo, c'est chaotique. The blind has seen and les aveugles voyaient. What is this? Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? The blind is seeing for the first time. Pour la première fois, l'aveugle voyait. He has never seen people. Il n'a jamais vu les gens. So the first thing they ask him, what is this? Et la première chose qu'il demande, c'est quoi ça? This is people. On dit que ça, ce sont les gens. It's tremendous. It's very shocking. C'est choquant, c'est extraordinaire. But that is what happened. C'est ce qui est arrivé. So, alors, I was focused on this. J'étais focalisé sur ça. Taking testimony. Prenant les témoignages. And in the dream, I forgot about this. Et dans le rêve, j'ai oublié ce qui était là-haut. So it was very massive. Alors c'était très massif ici. But as I was taking testimony, alors comme je prenais les témoignages, then all of a sudden, alors tout soudainement, all of a sudden, et tout soudainement, I realized, j'ai réalisé, that the cloud I had seen up there, que la nuée que j'ai vue en haut là-bas, all of a sudden, et soudainement, has arrived before the altar here, est arrivé devant l'autel ici. And then, et alors, he was surging towards me, et ça venait vers moi. It was very fearful. C'était très peureux, ça faisait peur. In that dream. Dans ce rêve. So huge. That is a cloud that is big like a city. That's very big. Ça, c'est une nuée qui est plus grande qu'une ville. And he was coming to the altar. Et ça venait vers l'estrade. And so. Alors. And I knew. Et je suis. That this is God the Father. Que ça, c'est Dieu le Père qui est là. This is God the Father. He himself. Ça, c'est Dieu le Père lui-même. So because of that, à cause de ça, I panicked in the dream. J'ai paniqué dans le rêve. And I tried to avoid him. Et j'essayais d'éviter cela. And this is what I did. Et c'est ce que je fais. I went down like this. Je suis allé en bas comme ça. Because he was coming. Parce que ça venait. So I thought he was going to pass like that. Je croyais que ça allait passer comme ça là. But he did not. Mais non, il n'est pas passé. Because I realized he hit me. Parce que j'ai réalisé qu'il m'a frappé. So I got up. Alors je me suis levé. And then the glory began to hit my face. Alors la gloire a commencé à frapper mon visage. I want to announce to you today. Je vais vous annoncer aujourd'hui. That the glory of Jehovah. La gloire de l'Éternel. Has weight. A un poids. This is the biggest visitation in the church right now. Ça c'est la plus grande visitation dans l'église en ce moment. Now what I was saying. Alors ce que je disais. Is he came in waves. Il est venu en vagues. And the waves have weight. Et les vagues ont un poids. So he was like, ça faisait fou. That is why when you listen to the prophecy on YouTube, quand tu écoutes la prophétie dans YouTube, November 21st, before it happened, le 21 novembre avant que cela n'arrive, you hear me saying, he is coming in waves. Je disais, in waves. Il va venir dans des vagues, dans des vagues. Because I have lived it already. Parce que j'ai vécu cela déjà en avance. And like a tornado wave. Et comme une tornade, ça venait, ça venait. That's what happened. C'est ce qui est arrivé. And I remember I woke up. Et je me suis rappelé que je me suis réveillé. But I want you to appreciate the following. Je mérite que vous appréciez ce qui suit. I wondered. Je me demandais how I am going to go live on radio. Comment j'irai en direct à la radio? And you know our radio is global. Et vous savez notre radio est globale. Everybody knows the Lord speaks through that radio. Tout le monde sait que le Seigneur parle à partir de cette radio. So the whole earth is tuned. Alors toute la terre est connectée à cette radio. It's tremendous. C'est extraordinaire. So when I was going to go live, alors quand je voulais aller en direct, the whole earth is ready. La terre toute entière était prête. It has been announced that the man of God is going to go live. C'était annoncé que l'homme de Dieu va passer en direct. The Lord has spoken. Le Seigneur a parlé. But I wondered. Et je me demandais. I was asking. Je me demandais moi-même. How am I going to stand before these people? Comment est-ce que je vais me tenir devant ce peuple? Like French Guiana. Comme en Guyane française. Modern people. Des gens modernes. And tell them, et leur dit, that hey guys, hey les gars, do you remember the cloud of God? Est-ce que vous vous rappelez de la nuée de Dieu? That visited Moses. Qui avait visité Moïse. In the days before the Messiah came. Les jours avant que le Messie ne vienne. Now he is coming back. Maintenant il revient encore. I kept wondering. Je me demandais, how am I going to break this news to you people? Comment est-ce que je vais amener cette nouvelle à vous, les gens ici? Because I know that the church is modern. Parce que je sais que l'église est moderne. They are going to say, ah, that's a false prophet. Ils vont dire, oh, ça c'est un faux prophète. Because we are in the dispensation of the grace. Parce qu'on est dans la dispensation de la grâce. And that visitation. Et cette visitation. Was synonymous with the dispensation of the law. C'était synonyme de la dispensation de la loi. I knew they were going to say this. Je savais qu'ils allaient dire ça. So I feared. Alors j'avais peur. I said, Lord. J'ai dit, Seigneur. How do I speak to a modern church? Comment est-ce que je parle à une église moderne? That the cloud of God. Que la nuée de Dieu. That did not come during the dispensation of the grace. Qui ne vient pas dans la dispensation de la grâce. Came only during the law. Et ne vient seulement pendant la loi. Is coming back. Et ça revient encore. How do I convince them? Comment est-ce que je vais les convaincre? You want to know? Vous voulez savoir comment? It will help you. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous êtes number one. Premièrement, because the Lord has always taught me one thing. Le Seigneur m'a toujours enseigné une chose. Since he sent me. Depuis qu'il m'a envoyé. He taught me. Il m'a enseigné that for as long as I am standing with you and speaking with you here. Aussi longtemps que je me tiens debout avec toi et que je parle avec toi ici. Don't worry about public opinion. Ne t'inquiète pas des opinions publiques. This will help you, pastor. Ça va vous aider, le pasteur. Will help you very much. Ça va beaucoup vous aider. Don't worry about public opinion. Ne vous inquiétez pas des opinions publiques. As long as you are standing with the Lord. Aussi longtemps que tu es debout avec le Seigneur. Number two. Deuxième chose. He taught me that. Il m'a enseigné ceci. The message is not mine. Le message n'est pas le mien. I am just a vessel. Je ne suis qu'un canal. However much, the message does not make sense in the carnal même mind. Si la, le message ne fait pas sens à la pensée de la chair. However much, peu importe, it does not make sense to carnal men. Si ça ne fait pas un sens à la pensée charnelle. You don't worry. Tu ne t'inquiètes pas de ça. As long as I have told you. Aussi longtemps que je t'ai dit. The only reason I can use you. La seule raison pour laquelle je peux t'utiliser. Is because however much it doesn't make sense to them. Peu ça n'a pas de sens pour les gens. You always go faithfully and give it faithfully. Tu vas fidèlement, tu les donnes fidèlement. Pastors, this is the lesson. Pasteur, c'est une leçon pour vous. Public opinion. Les opinions publiques. Non. Non. That is why I stood before the nations. C'est pourquoi je me suis mis debout devant les nations. And I gave the prophecy. Et j'ai donné la prophétie. I said, the cloud of God is coming. J'ai dit que la nuée de Dieu vient. In the meeting in Kisumu. À la réunion à Kisumu. I have seen the glory. J'ai vu la gloire. Of the cloud. De la nuée. That visited during the time of Moses. Qui avait visité au temps de Moïse. Listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi les nations de la terre. Listen to me, the angels in heaven. Écoutez-moi les anges du ciel. God the Father himself. Dieu le Père lui-même. is now coming to visit the church. Vient maintenant lui-même visiter l'église. He's coming to shepherd the church. Il vient s'occuper des églises. I gave that prophecy. J'ai donné cette prophétie. He's coming to pastor the church. Il vient pour pastoriser l'église. Now, maintenant, people travel from all over the earth because of that prophecy. Les gens ont voyagé de toute la terre à cause de cette prophétie. When the day arrived, quand le jour est arrivé, everybody was waiting. Tout le monde attendait. We want to see. On doit voir. Can this man stand here? Est-ce que cet homme peut se mettre debout ici? And call God the Father. Et appeler Dieu le Père. On this day here. En ce jour ici. And when the day arrived. Et quand le jour arrive. God the Father hear him. Et le Dieu le Père l'écoute. And come down in the cloud. Et descend dans la nuée. Of Moses. Comme Moïse. People came out of, I call academic curiosity, right? Les gens sont venus par une curiosité académique. They wanted to say, is it going to happen? Ils voulaient savoir si cela allait vraiment arriver. So when the day arrived, alors le jour est arrivé. When I entered the stadium, quand je suis rentré dans le stade. And I began to point towards those trees. J'ai commencé à pointer vers ces arbres-là. I want you to mark those three trees. Je voulais que vous puissiez marquer ces trois arbres. And I began saying, j'ai commencé à dire, I have seen the glory of the Lord. J'ai vu la gloire de Dieu. I have seen the Lord coming down here. J'ai vu le Seigneur descendre ici. And I was pointing that direction. Et j'ai pointé à cette direction. And then, alors, a lot of people, you know, they knew this is the day. Alors ils savaient que c'était le jour. They were recording. Ils étaient en train d'enregistrer. From all over the earth. Partout sur la terre. We want to see this really. On doit voir cela si c'est vraiment vrai. Is this true? Est-ce que c'est vrai? Now, maintenant, when I was saying, quand je disais, that I've seen the glory of the Lord, j'ai vu la gloire de Dieu, coming down here, descendre ici, the cloud of God, la nuée de Dieu, the Godhead, de Dieu le Père, the Godhead is coming in Dieu God. Le Père vient lui-même. That is the time of a shocking healing anointing. En ce moment-là, une onction de guérison choquante a touché le stade. And I had to fulfill my prophecy. Et je devais accomplir ma propre prophétie. I became so much occupied with cripples, blind. J'ai commencé à m'occuper. I forgot. J'ai commencé à m'occuper des aveugles, des paralytiques qui ont commencé à marcher, à voir. But those in the meeting. J'ai oublié. Alors ceux qui étaient dans la réunion. Who remembered the prophecy? Qui se rappelle de la prophétie? Because the prophecy says. Parce que la prophétie dit. That when the glory will come. Quand la gloire va venir. A historic anointing of healing will hit. Une onction historique va frapper le stade. So when they saw. Et quand ils ont vu ça. Those who tried to look up like this. Ceux qui ont commencé à regarder vers le ciel. This is what they saw. Regarde ce qu'ils ont vu. From where aircrafts fly. Là où les avions passent. Today there is an important message. I want to share. Aujourd'hui, il y a un message important que je vais partager ici. This message. Ce message. I am so blessed you are receiving this message. Je suis tellement béni que vous allez recevoir ce message. You will not get it anywhere. Vous ne l'aurez jamais rien quelque part. No. This is from God the Father himself. Ça vient de Dieu le Père lui-même. The other TVs, they are busy entertaining clients. Oh, les chrétiens sont occupés à divertir les gens. Money, what? À cause de l'argent de ceci. That is something else. Ça c'est quelque chose d'autre. I am talking about the eternal kingdom of God. Je parle du royaume éternel de Dieu. This is what they saw. Regarde ce qu'ils ont vu. And I was shocked. J'étais choqué. I was very shocked. J'étais choqué. Because I used to think. J'ai toujours pensé ceci. That God the Father will not allow them to see. Que Dieu le Père ne permettra pas qu'ils puissent le voir comme ça. Because I knew. Parce que je sais toujours. That he will not. Il ne le fera pas. But when they looked, mais quand ils ont regardé, where aircraft fly, là où les avions passent, cameras, and what shocked me, ce qui m'a choqué, when they checked their cameras, quand ils ont vérifié leur caméra, everybody look at this, et tout le monde regardait, when they checked their camera, they did and checked, ils ont pris la photo, ils ont regardé, they found it in the camera, ils ont vu qu'ils ont enregistré ça dans les caméras, they caught it, ils ont pris cela, that part. Cette partie-là m'a choqué. That part shocked me very much. Cette partie-là m'a choqué terriblement. Because many times I know where the Lord is standing in a meeting. Plusieurs fois, je sais où le Seigneur va se tenir dans les réunions. The glory. La gloire. And I know that people don't see. Et je sais que les gens ne voient pas. Because I see earlier in the dream. Parce que je vois en avance dans les rêves. But for them to see. Mais pour eux de voir. And take a picture. Et prendre la photo. And have it in their camera. Et garder la photo dans les appareils. And go back home with it. Et retourner à la maison avec ça. That one shocked me. Ceci m'avait vraiment choqué. And for us to meet here today. Et pour nous de nous rencontrer ici aujourd'hui. To discuss this. Et discuter ça. Also shocks. Ça me choque aussi. Who are we? Qui sommes nous that we can discuss him? Que nous puissions discuter sur lui. Then, alors, look at the three trees this direction. Là-bas, c'est les trois arbres dans cette direction là-bas. The three on this side of the end. Il y a les trois de l'autre côté en la fin. And then, après, so you see the two umbrellas. Vous voyez les deux parapluies ici. And then he touches down. Après, ça a descendu au milieu des gens. Precious people. Précieux peuple. I was so shocked. J'étais tellement choqué. The people que les gens were sharing it on YouTube. Partageaient cela sur Facebook, YouTube. Hey, je disais, ah, how can you do that? Comment il peut faire ça? How can you touch it? Comment vous pouvez le toucher? Discussing, watching, discutant dans le WhatsApp partout. C'était grand. This is the message that is shaking the earth right now. Ça, c'est le message qui fait trembler la terre en ce moment-ci. Listen to this. Écoutez ceci maintenant. The message I'm going to give is very critical. Le message que vous donnez, c'est très important maintenant. What is the message of the Lord? Quel est le message du Seigneur? To the Church of Christ in French Guiana. De l'Église du Christ en Guyane française. Through this visitation. Au travers de cette visitation. Of God. De Dieu. Of God the Father himself. De Dieu le Père lui-même. That is where I want to begin. C'est de là que je vais commencer maintenant. Now listen to this. Maintenant, et suivez ceci. Listen very well. Écoutez bien. I want to define two conditions. Je vais décrire deux conditions. Two situations. Deux situations. Every time God wants to do something on the earth. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Start a revival or do something. Commencer un réveil ou bien faire quelque chose. Normally. Normalement. He will get his appointed agency appointed. Il va avoir une agence choisie par lui-même. He will appoint an agency. Il va choisir une agence. Like the prophet, for comme example. Comme un prophète, par exemple. And then send. Et il l'envoie. And when he sends his prophet. Et quand il envoie son prophète. The prophet becomes more like an embassy. Le prophète devient plus comme une ambassade. When you want to come to French Guiana, quand tu veux venir en Guyane française, and you are in South Africa, et tu es en Afrique du Sud, they tell you, on vous dit. You write to French Guiana. Tu écris à la Guyane française. I want to come. Je veux venir. They say no. On dit non. Go there. There is our embassy there. Non, va là-bas. Il y a notre ambassade là-bas. Talk to them there. Parle là-bas. They will give you the conditions. On va te donner les conditions. And they will process the visa. Et pour procéder les visas. That is an established agency of this nation. Ça, c'est une agence établie de cette nation. So you go there. Alors tu vas là-bas. You get the policies. Tu as les politiques. And the requirements. Les demandes. Of France. De la France. For you to come here. Pour que tu viennes ici. And then you have to fulfill them. Alors tu dois les remplir. That is an established agency. Ça, c'est une agence établie. Did you understand me? Vous me comprenez? The same thing with the Lord. La même chose avec le Seigneur. The Lord can sometimes send his prophets. Des fois, le Seigneur envoie son prophète. As his established agency. Comme une agence établie. With a mission. Avec une mission. But when the prophet walks there. Quand le prophète marche là-bas. Because he walks with God. Parce qu'il marche avec Dieu. Then when he do the work. Alors quand il fait le travail. You will see the life and power of God in him. Vous voyez la vie et la puissance de Dieu en lui. That is called the anointing of God. On appelle ça l'onction de Dieu. The life and power of God in him. La vie et la puissance de Dieu en lui. It is called the anointing of God in him. On appelle ça l'onction de Dieu en lui. And the anointing of God. Et l'onction de Dieu. Brings forth the manifestation. Amène la manifestation. Of the power and life of God in him. De la puissance et de la vie de Dieu en lui. I want us to be very clear because of the condition of the church. Je veux qu'on soit très clair à cause de la condition de l'église. That's why I have to teach. C'est pourquoi je dois enseigner ceci. Because of the fall in the church. À cause de la chute de l'église. I'm saying. Je dis. When the anointing comes out. Quand l'onction sort. That becomes the manifestation. Ça devient la manifestation. Of the power and life of God in him. De la puissance et de la vie de Dieu en lui. That's one way. Ça c'est une chose. But there are certain situations. Il y a certaines situations. When God. Does not send an agency. Où Dieu n'envoie pas une agence. When God himself. Là où Dieu lui-même. Is forced to come down. Il doit descendre. Do you remember in the book of Genesis 18? Don't go there. Rappelez-vous de Genèse 18. When he wanted to do something in Sodom and Gomorrah. Quand il voulait faire quelque chose à Sodome et Gomorrah. When God himself came down. Quand Dieu lui-même est descendu. And sat with Abraham. Et il s'est assis avec Abraham. Il a parlé. When you read about the rapture. Quand il parle sur l'enlèvement. The rapture of the church. L'enlèvement de l'église. In 1 Thessalonians chapter 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verse 16. Verset 16-17. He says. Il dit. And the Lord himself. Et le Seigneur lui-même. Will come down. Et descendra. There are moments and situations where he has to come down himself. Il y a des moments où des situations où il doit descendre lui-même. And when God comes down himself, et quand Dieu vient lui-même, that becomes the glory. Ça, ça devient la gloire. The glory of God. La gloire de Dieu. And it becomes, et ça devient, the revelation of God. La révélation de Dieu. That action he does, cette action qu'il fait, is called the revelation of God. Est appelée la révélation de Dieu. You must understand this. Vous devez comprendre cela. Oh yes, because the church, oh, the church has been compromised. Parce que l'église s'est compromise. So I cannot take anything for granted. Alors je peux pas prendre des choses pour acquis. Now, maintenant, this is big. Ça c'est très grand. For example, when the Lord sent me to Kisi, quand Dieu m'a envoyé à Kisi, to command heaven to open and rain, come down there. J'ai commandé au ciel de souffrir et la pluie est tombée par terre. In that minute, dans cette minute là, that is also called the revelation of God. Ça, ça s'appelle aussi la révélation de Dieu. In fact, the revelation of the Godhead. La révélation de Dieu le Père. So there are many situations. There are few rather here and there in the Bible. Alors, il y a des petites des situations comme ça un peu partout dans la Bible. So once you have understood that, quand tu comprends ça, that this is not the manifestation. Que ça c'est pas une manifestation. This is the revelation of the Godhead Himself. Ça c'est la révélation de Dieu le Père lui-même. But once you have understood that, quand tu comprends cela, now I can give the message. Maintenant je peux donner le message. So what is the message of the Lord? Quel est le message du Seigneur? When I gave this prophecy, quand j'ai donné cette prophétie, and then He came down. Et que ça est descendu. Into the house. Il est descendu dans la maison. Can I start? Est-ce que je peux commencer? Look at this. Écoutez ceci. Listen very carefully. Écoutez attentivement. If you look at the Bible, si tu regardes dans la Bible, the Bible, always Bible, dans la Bible, toujours dans la Bible. If you look at the Bible, si tu regardes dans la Bible, you'll find this visitation in the Bible. Tu vas trouver cette visitation dans la Bible. But you'll find, mais tu vas voir, that there is a servant of God, qui est un serviteur de Dieu, whose life, dans la vie, and ministry, et le ministère, was synonymous with this visitation. Était synonyme de cette visitation. His name is Moses, the man of God. Son nom c'est Moïse, l'homme de Dieu. And I want to touch on a little thing there. Je vais parler quelque chose là. That you may get your message. Vous aurez le message. For this country. À pour ceci. When you look at the life of Moses. Quand tu regardes la vie de Moïse. Moses was born during distress. Moïse est né pendant la détresse. When they were killing the boy child. Quand on tuait les garçons, les petits killing garçons. The boy child. On tuait les petits garçons. He was born when they were cutting the heads. Il est né quand on coupait la tête. Of the boy child. Des petits garçons. Listen to this. Écoutez ceci. His mother, sa mère, says, elle a dit, when she saw, the Bible says, when she saw that the baby was beautiful, quand, the baby was precious. Quand elle a vu que le bébé était beau et qu'il était précieux, she kept the baby. Elle a gardé le bébé. And she kept for 3 months. Elle a gardé le bébé pendant 3 mois. But when she saw that she could not keep him any longer, alors quand elle a vu qu'elle pouvait pas continuer à garder le bébé, she prepared a basket. Elle a préparé un panier. And put tarp. Elle a pris les tas. And I'm sure she put some clothes. Et je suis sûr qu'elle a mis des habits aussi. And laid the baby there. Elle a posé le bébé dedans. And then she rolled the baby in the fast flowing river Nile. Alors il a mis le bébé sur le fleuve du Nil qui coulait. Very flowing. Very flowing. Le fleuve qui coulait rapidement. Listen to this. Écoutez ceci. That is a difficult thing for a mother. Ça c'est quelque chose de difficile pour une mère. Because. Parce que. When the mother released the baby in a basket, quand la maman a déposé le bébé dans le panier, there is a possibility, il y a une possibilité, that a snake nearby, que le serpent qui est à côté, could have bitten the baby, pouvait mordre le bébé, and kill the baby, et tuer le bébé. There is a possibility, il y a une possibilité, that as the baby was there, quand le bébé était là, could have rolled away. Elle pouvait couler et partir. Then Pharaoh's daughter not see. Et la fille de Pharaon n'allait pas voir. There is possibility. Il y avait une possibilité. That Pharaoh's daughter could have seen the baby. Que la fille de Pharaon allait voir le bébé. And said that this is the Hebrew boys. Oh, ça c'est un bébé hébreu. Kill him. Et tuer le bébé. And then there is a possibility. Alors il y a aussi une possibilité. That she sees the baby. Elle voit le bébé. And take the baby. Et prend le bébé. I want you to appreciate the difficult circumstances that defined the life of Moses. Je veux que vous puissiez apprécier les difficultés des circonstances qui ont entouré la vie de Moïse. That you may understand the message from this visitation. En fait, que vous puissiez comprendre le message de cette visitation. So when Pharaoh's daughter took the baby, quand la fille de Pharaon a pris le bébé, and called for the mother to feed the baby, et appelait la maman pour nourrir le bébé. Listen to this. Écoutez ceci. She named the baby. Elle a nommé le bébé at the palace. Dans le palais, she named him Moses. Elle a appelé le bébé Moïse. And in Egyptian, en égyptien, that means, ça veut dire, I rescued him. Je l'ai sauvé from the waters of the Nile. Des eaux du Nil. So if you look at the life of Moses. Alors quand tu regardes la vie de Moïse, the servant, le serviteur, whose life and ministry, dans la vie et le ministère, is synonymous with this visitation. Est synonyme à cette visitation. If you look at the life of Moses, quand tu regardes la vie de Moïse, what does it speak? Qu'est-ce que ça dit? It speaks about, ça dit, the miraculous rescue of God. Le secours miraculeux de Dieu. I know you understand the message. Vous comprenez le message maintenant. I know you are beginning to get the message. Vous commencez à comprendre le message. Even his name, que même son nom, talks about the miraculous rescue of God. Only by miracle God rescued. Que seulement par le miracle que Dieu l'a secouru. Let's move on. Avançons. Moses. Moïse. As the Lord was doing this with Moses. Quand le Seigneur faisait ceci avec Moïse. It was as if the Lord was giving a prophecy on his life. C'est comme si le Seigneur donnait une prophétie à sa vie. Relating to this visitation. En relation avec cette visitation. It was as if the Lord was saying. C'est comme si le Seigneur disait. Hey, hey, Moses. Hey, hey, Moïse. Just as I have miraculously rescued you. Comme j'ai miraculeusement sauvé ta vie. So shall I use your life. Ainsi j'utiliserai ta vie. In a mighty ministry. Dans un ministère puissant. To miraculously rescue my people. Pour secourir mon peuple miraculeusement. Once you get that, you'll understand the message. Quand tu comprends cela, tu saisis le message. Very clear. C'est très clair. And then, alors, time came. Le temps est arrivé. When he was shepherding the sheep of Jethro. Quand il paissait le troupeau de Jethro. The same Godhead. Le même Dieu, le Père. Came in the form of a consuming fire. Il est venu en forme d'un feu dévorant. Burning the bush. Qui brûlait les buissons. But the bush is not burning. Et les buissons ne consumaient pas. Now look at this. Mais regardez ceci. The Bible says, la Bible dit, in Exodus chapter 3 verse 4, dans Exode 3 verset 4, that, and when the Lord saw that he had gone there to look, qu'il avançait pour regarder, that he had gone to look, quand il était avancé pour regarder, then the Lord called him from the fire. Alors le Seigneur l'a appelé du feu. Moses, Moses. Moïse, Moïse. And Moses answered, et Moïse a répondu, here I am. Mais voici, before I go to the message there, avant que j'aille dans le message là, that became, ça c'est devenu, the classic calling of the prophet. L'appel classique pour les prophètes. Even Samuel. Même Samuel. Even me on Mount Carmel. Même moi au Mont Carmel. When this cloud appeared to me in a dream. Quand la nuée ici est apparue à moi dans les rêves. Called me twice. Il m'a appelé deux fois. It became the classic calling. Est devenu l'appel classique des prophètes. And here I am. Mais voici. Became the yes I have agreed. Ça a devenu oui je suis d'accord. But let me come to the message. Mais laissez-moi venir au message. Listen to this. Écoutez ceci. When the Lord had seen that he had gone there to look. Quand le Seigneur a vu qu'il avançait pour regarder. Listen to the message. Écoutez le message. Moses, Moses. Moïse, Moïse. Here I am. Mais voici. Then he said, il dit, do not come any closer. Ne t'approche plus de près. Remove those sandals. Enlève tes sandales. For the place where you are standing now. Parce que là où tu te tiens maintenant. Has now become. Est maintenant devenu. Holy ground. Une terre sainte. Be very careful. Faites attention. Did you understand me? Vous me comprenez? The day before, le jour avant, Moses, Moïse, may have been grazing there. Il était en train de paître là-bas. Because shepherds like to graze for some time in one place. Parce que des fois, les bergers aiment rester à un seul endroit. And then they move to another place. Après, ils déplacent vers un autre endroit. To allow the grass to grow. Pour permettre aux herbes de pousser. Maybe yesterday Moses was there. Peut-être hier Moïse était au même endroit. But when the glory of the Godhead, mais quand la gloire de Dieu le Père, the glory of the Father, la gloire du Père, comes down on a place, et arrive et touche un endroit, he does the following. Il fait ce qui suit. Number one, premièrement, he sanctifies that place. Il sanctifie cette place là. Number two, deuxièmement, he consecrates that place. Il consacre cette place là. Number three, numéro trois, then he declares that place holy ground. Il déclare cette place terre sainte. Number four, numéro quatre, the people in that holy ground, les peuples dans cette place sainte, who have been visited, qui a été visité, he declares them. Il les déclare. God's holy people. Les saints peuples de Dieu. And when they become God's holy people. Et quand ils deviennent les saints peuples de Dieu. Number five. Numéro 5. He gives them. Il a donné a holy assignment of God. Un devoir saint de Dieu. Of holy worship. L'adoration sainte. And when they holy worship. Et quand ils ont l'adoration sainte. Then he declares. Alors il déclare. That they are God's treasured possession. Qu'ils deviennent un trésor de Dieu que Dieu possède. Don't play around. Ne jouez pas autour. This is not a joke. Ce n'est pas une blague. So when I look at this place, quand je regarde à cet endroit, where the glory visited, quand la gloire a visité, I see that this is a Christian crusade. Je vois que ça c'est une croisade chrétienne. And that tells me, ça me dit, that the glory of God the Father, que la gloire de Dieu le Père, has actually visited the house of the Lord. A enfin visité la maison du Seigneur. Meaning, ça veut dire, then he has come to sanctify the house of the Lord. Ça veut dire, il est venu sanctifier la maison du Seigneur. Number two. Deuxièmement. And consecrate the house of the Lord. Il est venu consacrer la maison du Seigneur. Number three. Numéro trois. And then declare it holy ground. Et déclarer terre sainte. And the people in there. Et le peuple là-bas. Become God's holy people. Devient le peuple saint de Dieu. And he give them a special assignment. Il leur donne un devoir saint. God's holy worship. L'adoration sainte pour Dieu. And as they worship holy. Et quand ils adorent saintement. They become God's treasured possession. Il devient un trésor de possession de Dieu. The book of 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Behold, you are a holy nation. Vous êtes une nation sainte. A treasured possession. You can read it as vous you want. Vous pouvez lire ça comme vous voulez. And what is the Lord saying to this nation? Qu'est-ce que Dieu dit à cette nation? He's saying, il dit, that yesterday, que hier, you may have been grazing the sheep of Jethro here. Vous pouvez être en train de perdre les brebis de Jethro ici. Yesterday, yeah, you might have been walking here. Vous étiez en train de marcher ici. With your sandals. Avec vos sandales. Pocketing here. En mettant la main dans la poche. Preaching about the sheep of Jethro. Prêchant sur les brebis de Jethro. Tending the sheep of Jethro. Et prenant sur les brebis de Jethro. I don't know what the sheep of Jethro is to you. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous les brebis de Jethro. Maybe your wife. Peut-être c'est votre femme. Maybe your job. Peut-être votre travail. Maybe your car. Peut-être votre voiture. Maybe your rent. Votre pays, votre terre. I don't know what you have been tending. Je sais qu'est-ce que vous avez besoin. But he's saying. Mais il dit. That today, however. Mais aujourd'hui. The Lord has decided to visit the house. Le Seigneur a décidé de visiter la maison. And he said the meaning of that is this. Il dit la signification de cela est ceci. Hey, Church of Christ. Hey, l'Église du Christ. In French Guiana. En Guyane française. Behold. Voici. The house of the Lord. La maison du Seigneur. Has now become. Est maintenant devenu. Holy ground. Une terre sainte. Remove your sandals. Sortez vos sandales. The sandals of homosexuality. Enlevez les sandales d'homosexualité dans l'église. The sandals of pastors running with worship girls. Les sandales des pasteurs qui courent avec les filles de la chorale. The sandals of young men having earrings. Des jeunes garçons portant les boucles. Sagging trousers. Et des pantalons qui baissent en bas ici. The sandals of abortions in the church. Les sandales des avortements dans l'église. The sandals of women wearing tight trousers in les the church. Les sandales for the pastor to see and lust at. Portant les mini-jupes dans l'église pour que le pasteur convoite leurs jambes. The sandals of women wearing the cats. Les sandales pour les femmes de porter les habits déchirés derrière. Why is he not looking at me today? Oh, pourquoi elle me regarde pas aujourd'hui? Il me regarde pas aujourd'hui. And I bought a new red dress. Et j'ai porté une nouvelle robe. I hate him. Oh, je le hais aujourd'hui. Because he's not looking today. Parce qu'il ne me regarde pas. The sandals of sexual lust in the church. Les sandales de la convoitise sexuelle dans l'église. The sandals of the gospel of prosperity. Les sandales de l'évangile de la prospérité dans l'église. The sandals of the false apostles in the church. Les sandales des faux apôtres dans l'église. The sandals of the false prophets in the church. Les sandales des faux prophètes dans l'église. The sandals of witchcraft in the church. Les sandales de la sorcellerie dans l'église. The sandals of Freemason in the church. Les sandales de la franc-maçonnerie dans l'église. Oui. Hey. Hey. Remove the sandals. Oh, enlevez vos sandales. Behold. Voici. The house of the Lord. La maison du Seigneur. Is now holy ground. Et maintenant une terre sainte. I told you. Je vous ai dit. There is a serious message. Il y a un message sérieux ici. You cannot get it on TV. Vous pouvez pas avoir ça à la télévision. On TV, they are entertaining clients. Oh, à la télévision, on divertit les clients. The more clients, the better. Plus il y a des clients, plus c'est mieux. They are running, they call it marathon. Ils disent c'est le marathon of telephone. De téléphone. So they call it telephone. Il y a des téléphones. Telephone. So you pay money. They are doing it. Vous payez l'argent. Ils disent hallelujah. $100,000 here. Oh, $1,000 ici. $1,000,000 there. Hallelujah. $1,000,000 là-bas. Hallelujah. Keep Jesus in the air, please. Oh, gardez Jésus dans les airs, s'il vous plaît. Hallelujah. Please, we want you to help us to keep Jesus in the air. Non, on veut que vous puissiez nous aider à garder Jésus dans la télévision. Oh. I went to Finland. Je suis allé en Finlande. And when they heard this message, et quand ils ont écouté ce message, the president of TV7 Finland, le président de la télévision chrétienne de Finlande, said, "Man of God, il dit, homme de Dieu, this is your TV. Maintenant c'est ta télévision. From today on, always come and broadcast here for free. À partir d'aujourd'hui tu viens, on va te diffuser gratuitement. Oh, and I have not yet done a marathon of money. Et je n'ai jamais fait un marathon d'argent. Hallelujah. Not yet. No. I have not yet. Je n'ai jamais fait ça. Hallelujah. He said, il dit, clean out. Nettoyez. Clean out the sandals. Nettoyez les sandales. Behold, voici, the house of the Lord, la maison du Seigneur, has now become holy ground. Est devenue maintenant une terre sainte. What does the cloud of God come to do to the church? Qu'est-ce que la nuée de Dieu vient faire à l'église? Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. Moses, Moïse, when the Lord had removed them from Goshen, quand le Seigneur les a retirés de Goshen. You know, Goshen was such a place. Vous savez, Goshen était un endroit. They ate large pots of meat. Ils aimaient manger les pots de viande. And huge cucumbers. Et avec les concombres. These days, when I look at cucumbers, I always remember Israel. Cette fois, chaque fois que je regarde un concombre, je pense toujours à Israël. They rebelled against God because of cucumbers. Ils se sont rebellés contre Dieu à cause des concombres. They used to eat big pots of fish. Ils mangeaient des grands morceaux de poisson. And they used to greet the Egyptian, "Hello, how are you?" Oh, ils lançaient les mains, high five comme ça. There was a fellowship. Il y avait une communion fraternelle. There was understanding and warmth. Il y avait la chaleur, ils se comprenaient. They lived in kind of settings you saw light. Ils voyaient. It was settled. Il s'était établi avec des lumières, des lumières, des lumières. And the Lord was suddenly removing them. Le Seigneur les sortait. And putting them on the path to the lonely wilderness. Il les mettait sur le chemin d'un désert solitaire. Where there are no people. Il n'y a pas de gens là-bas. Moses asked a question. Moïse a posé la question. Can we read it? Est-ce qu'on peut lire ça? Exodus 33 verse 14. Exode 33 verset 13. Exodus 33 verse 14. Exode 33 verset 14. This is the beautiful church. Ça c'est la belle église. Oh. Oh. This is a lesson. Ça c'est une leçon. To the nations. À la nation. Exodus 33. Exode 33. Exodus 33 verse 14. Exode 33 verset 14. He says. Et il dit. The Lord replied. L'Éternel répondit. My presence will go with you and I'll give you rest. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Then Moses said, verse 15. Verset 15, Moïse. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moses dared to ask the Lord this question, verse 16. Verset 14, alors Moïse devait poser cette question à Dieu. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? This question number 16 has real power. Cette question au point 16, verset 16, a un grand pouvoir. Look at this now. Regardez ceci maintenant. They feared loneliness. Ils ont craint la solitude. And the Lord was saying, et le Seigneur disait, don't worry. Ne vous inquiétez pas. When you are with me, quand vous êtes avec moi, there is no loneliness. Il n'y a pas de solitude. In fact, en fait, the best company you can ever get, le meilleur compagnon que vous pouvez avoir, is me walking with you. C'est moi marchant avec vous. Not depending on some man somewhere promised you, I will always be with you. Don't worry. Ne pas s'appuyer sur un homme qui vous promet, non, je serai toujours avec toi. Ne t'inquiète pas. depending on a man. Dépend des hommes. Tomorrow he can change his mind. C'est lui qui peut perdre sa vie. But he's saying, mais il dit, the best company is this one. Le meilleur compagnon c'est celui. The Lord. Le Seigneur. Isaiah 35. Isaïe 35. Verses 8 to 9. Verset 8 et 9. He describes the highway of holiness. Il décrit l'autoroute de la sanctification. And he's telling me. Il me dit. That go and remove the church from French Guiana. Et va et retire l'église de la Guyane française. And put them on this highway of holiness. Put them back. Et ramène-les, mets-les sur l'autoroute de la sanctification. Put them back. Ramène-le on the highway of holiness. Sur l'autoroute de la sanctification. That when they walk there, afin que quand ils marchent là-bas, no ferocious beast can touch. Aucune bête féroce ne peut les toucher. And when they walk there, et quand ils marchent là-bas, they can only reach the holiness of God, holy God. Ils peuvent toucher la sanctification de l'Éternel là-bas. If you go to the highway of Cayenne, si tu vas à l'autoroute de Cayenne, after you finish with the ferry, après que tu as fini avec la ferry, in that town, l'autre ville là-bas, and you enter the highway of Cayenne, et tu rentres dans l'autoroute de Cayenne, you can only end up in Cayenne. Tu vas seulement aboutir à Cayenne. That's what he's saying. C'est ce qu'il dit. But the church in this nation, mais l'église dans cette nation, they fear solitude. Ils ont peur de la solitude. They fear loneliness. Ils ont peur d'être seuls. But they are saying no. Il dit non. You are telling us to wear a long skirt. Tu nous dis de porter des longues jupes. And to cover our necks up here. Et de couvrir nos cous jusqu'ici. My friends will reject me. Mes amis vont me rejeter. It will be difficult at work. Ça va être difficile au travail. You are telling me to remove the SIM card from my friends. Tu dis que j'enlève les cartes SIM de mes camarades. I will be lonely. Then I will start seeing psychologists and psychiatrists. Je serai seul. Je risque d'aller voir les psychiatres, les psychologues. In the church. Dans l'église. I don't want to be lonely and suicidal. Je ne veux pas être seul et être suicidaire. Because. Parce que. They are thinking. La pensée, that when they leave this fellowship of Goshen, s'ils quittent cette communion fraternelle de Goshen, which is slavery, qui est l'esclavage, and enter the highway of the wilderness, et rentrer dans l'autoroute du désert, of purification, de la purification, of holiness, de la sanctification, they are thinking they will be lonely. Ils craignent qu'ils seront seuls. Me, I just want to be happy with my friends. Donc, je vais être seulement content avec mes camarades. You know, they have been there for me. Oh, tu sais, ils ont toujours été là pour moi. We have a good group. We are there for each other. On est là les uns pour les autres. On est un bon and groupe. I'm telling you. Mais je vous dis. Tonight. Oh, ce soir. Separate from them. Séparez-vous de ça. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Moses was told. Moïse, on a dit à Moïse. Don't worry, my presence will go with you. Ne crains pas, ma présence ira avec toi. And then Moses dared God. Alors, Moïse a demandé à Dieu. Lord, Seigneur, now that we have eaten from your hands manna, maintenant que nous avons mangé de ta main la manne, and your cloud has come, et la nuée est descendue, how will the people where we are going to, comment est-ce que le peuple vers qui nous allons, know, ils sauront, that you have loved us, que tu nous as aimés, and we have fed from your hands, et que tu nous as nourris de ta main, and your cloud has come, et que ta nuée est descendue, and has walked with us, et a marché avec nous. In other words, en d'autres mots, how will they distinguish us? Comment est-ce qu'ils vont nous distinguer? How will we be distinguished from them? Comment serons-nous distingués des autres? That is the purpose the glory comes. Ça c'est le but pour lequel la nuée est venue. To the church. À l'église. To distinguish the church. De distinguer l'église. From the rest of the people of the earth. Du reste du peuple de la terre. Listen to what happens. Écoutez ce qui arrive ici. Listen to what happens. Écoutez ce qui arrive. Moses thought the Lord was going to give an ID card. Moïse pensait que Dieu allait lui donner une carte d'invitation. When people meet you, you flash it. Quand les gens te rencontrent, tu leur donnes la carte. They say, we are the people who have eaten from the hand of God. Nous sommes le peuple qui a mangé de la main de Dieu. La manne. Manna. La manne directement de la main de Dieu. Where the people who have walked. Now they were preaching the doctrine of the cloud and the doctrine of manna. Maintenant ils prêchent la doctrine de la nuée et de la manne. You which people? God. Oh, people. Vous? Oh, non, nous sommes le peuple de Dieu. Flash it. You flash. Vous, tu flashes la carte de visite. Like in this country. Comme dans ce pays. I know you always flash the French passport. Vous voulez montrer les passeports français. Flash it. Vous les flashez comme ça. Some of us we have to go through screen. Nous, on doit passer par les screens to enter the Eurozone. Pour entrer dans la zone européenne. But for you, you can enter everywhere. Mais vous pouvez rentrer partout. Listen to me, somebody. Écoutez-moi quelqu'un. Listen very carefully. Écoutez attentivement. The Lord answered Moses. Le Seigneur a répondu à Moïse. How the people of the world, comment est-ce que le peuple du monde, will know that the cloud has come to them? Sauront que la nuée est venue vers eux. The cloud means favor. God has favored them. La nuée veut dire la faveur. Dieu les a accordé la faveur. He's pleased with them. Il est content avec eux. The Lord said. Le Seigneur dit. When I visit a place. Quand je visite un endroit. I sanctify. Je sanctifie. And when I sanctify, et quand je sanctifie, I consecrate. Je consacre. When I consecrate, et quand je consacre, holy ground, inter saint, holy ground, inter saint, holy people, un peuple saint, holy people, un peuple saint, holy worship, à l'adoration sainte, holy worship, l'adoration sainte, treasured possession, un trésor qui possède. And if you are that type of people, et si tu es ce type de peuple, then, alors, the people of the world will know. Le peuple du monde sauront. That I have visited you. Que je vous ai visité. When the following happens. Quand ceci arrive. When your talk changes. Quand ton langage change. Your walk changes. Ta marche change. Your thoughts change. Tes pensées changent. Your worship changes. Ton adoration change. Your companions, the people walk around you change. Donc tes compagnons, les gens qui marchent avec toi, ça change. And your destiny changes. Et ta destinée change. When the world will look at you like that, quand le monde te verra comme ça, your daughters are now dressing holy. Maintenant tes filles se portent des robes. When they see you, now you don't like going to discos, nightclubs. On voit que toi tu n'aimes plus aller dans les discos, dans les boîtes de nuit. Every Friday, instead of meeting and having some, you know the French like wine, having some wine together. Friday. Chaque vendredi, au lieu d'aller boire le vin parce que les Français aiment le vin. On Friday, le vendredi, he said no. Il dit non. I'm going to do Bible study. Je vais à l'étude biblique in church. À l'église. You work in a bank. Tu es dans une banque. You're in a bank. Tu es dans une banque. And they have a dressing code. Et il y a une manière de s'habiller à la banque. And for you are dressing as church. Et mais toi tu t'habilles comme l'église. Long, une long jupe. And people are going to eat in Burger King. They are going to KFC. Ils vont manger dans les Burger King, dans les KFC. And those girls are talking about men. Et ces filles parlent des hommes, des garçons. Men. Les hommes. They are talking about men. Ils parlent des hommes. And for you, you say no. Et toi tu dis non. I carried my lunch. J'ai apporté mon lunch de la maison. I just warm my lunch. I eat and I read the Bible. Je chauffe mon nourriture, je mange et je lis ma Bible. On Sundays. Les dimanches. They see you coming here. On te voit venir ici. Very early. En avance. Receiving people. Tu es là recevoir les peuples. Welcome to the house of the Lord. Venir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. You look very broken. Oh, tu as l'air être brisé. I want to encourage you. Je vais t'encourager. God is going to heal you today. Dieu va te guérir aujourd'hui. When they see that your life has changed like that. Quand ils verront que ta vie a changé comme cela. Then they will know. Alors ils sauront. That these people. Que ce peuple là. Have been visited. A été visité par Dieu. Oh yes. These people have been visited. Ce peuple a été visité. Did you understand the answer he gave Moses? Vous comprenez la réponse qu'il a donnée à Moïse? There is no ID to flash. Il n'y a pas d'identité à montrer. There is no passport to flash. Il n'y a pas de passeport à flasher. He said. Il dit. Your destiny will change. Votre destinée va changer. When God visits a place. Quand Dieu visite un endroit. There is an eternal change. Il y a un changement éternel in the lives of the people. Dans la vie du peuple. I want to give another reason. Je vais donner une autre raison. Another purpose of this visitation. L'autre but pour cette visitation. Isaiah saw this visitation. Esaïe a vu cette visitation. When Isaiah saw this visitation. Quand Esaïe a vu cette visitation. He documented it in Isaiah 26. Il a écrit ça dans Esaïe 26. Verses 19 to 21. Verset 19 à 21. Isaiah 26 verse 19. Esaïe 26 verset 19. And you see now, et vous voyez maintenant, Isaiah calls it the morning dew. Esaïe appelait ça la rosée matinale. And then give the purpose. Il a donné le but. Then he gives the role of this glory. Il a donné le rôle de cette gloire. It is tremendous. C'est extraordinaire. He says, il dit, but your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust of the earth, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera les jours aux ombres. He calls it rosée. Il appelle ça la rosée. He calls it the morning dew. La rosée matinale. And when he calls it the morning dew. Et quand il appelle ça la rosée matinale. Listen to what he says. Regarde ce qu'il dit. When he calls it the morning dew. Quand il appelle ça rosée matinale. He assigns the task. Il a donné les rôles. I have seen the rapture of the dead. J'ai vu l'enlèvement des morts. The Lord showed me how the dead church will. In fact, the glory hits. It is the glory that wakes them up and pulls them out. C'est la gloire qui les a touchés et qui les a réveillés. Let me put it properly. Laissez-moi mettre ça proprement. It is the trumpet. C'est la trompette that wakes them up. Qui a touché. But it is the glory that pulls them out. C'est la trompette qui les a réveillés, mais c'est la gloire qui les a tirés de là. So I know quite a lot because of time. I'm not sharing. Alors je connais beaucoup, mais je ne vais pas partager tout. The same vision the Lord gave to Daniel. La même vision que Dieu a donnée à Daniel. And Daniel documented in Daniel chapter 12. Et Daniel a écrit ça dans Daniel 12. You all know that Daniel is an end-time prophet that saw these days from there. Vous voyez que Daniel était le prophète de temps de la fin qui a vu ce jour à partir de ce temps-là. So now I want to share. Alors je vais dire ceci. When Isaiah sees that, quand Isaïe a vu ça, he sees this glory. Il a vu cette gloire. He calls it the morning dew. Il a appelé ça la rosée matinale. Morning dew has the following meaning. La rosée matinale a cette signification. Morning dew, la rosée matinale, is always short-lived. N'a qu'une vie très courte. Did you understand the message? Vous comprenez le message? Morning dew, la rosée matinale, be careful. Faites attention. Is always short-lived. Ne vit pas longtemps, c'est une courte vie. Meaning, ça veut dire, if you know the purpose, si tu connais le but, you quickly use it. Vous utilisez ça rapidement. Soon it will evaporate. Sinon, ça va partir pour toujours. May 4th, le 4 mai, May 5th, le 5 mai, last year, l'année passée, 2013. The same dream he showed me in those 2 days. Le même rêve il m'a montré ça en deux nuits. I saw this cloud. J'ai vu cette nuée. Already lit. Déjà quitté. And when I looked, et quand j'ai regardé, I saw people in their glorious bodies. J'ai vu les gens dans leur corps glorieux monter avec. So there is so much I've seen which I'm not sharing. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai vu que je ne partage pas ici. I have already seen this cloud leave. J'ai déjà vu cette nuée monter. Isaiah called it morning dew. Isaiah appelait ça rosée matinale. Morning mist. La gloire matinale. Meaning short. Ça veut dire que ça a une courte vie. Normally comes 9 p.m., 11 p.m. Ça vient vers 21h, 23h. Preparing for the midnight. Pour préparer pour l'heure de minuit. But look at the purpose Isaiah sees. Mais regarde le but pour lequel Isaïe a vu. Verse 20. Verset 20. Verse 20 says, go my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La chambre. If you are making notes, I want to give you the following points. Si tu prends les notes, je vais te donner ces points ici. Number one. Premièrement. Isaiah described how short the visitation is. Isaïe a décrit combien courte est la visitation. Number two. Deuxièmement, he said, shout for joy. Oh, crie de joie. For your dew is as fresh as the dew of the morning. Car ta nuée est fraîche comme la nuée du matin. Meaning the dew comes sharp. Vous savez que la nuée, la rosée vient la nuit. Meaning Isaiah saw the dispensation of closed heaven. Parce que Isaiah a vu la dispensation de ciel fermé. And when the heaven opened and the dew came. Quand le ciel s'est ouvert, la rosée est descendue. Alors, il y a une célébration. Anticipation was so high. L'anticipation était très grande. Number three. Troisièmement, Isaiah now. Isaïe maintenant. Sees that joy which is revival that he brings. Cette joie qu'il a vue, c'était le réveil que cela amenait. Shout for joy. Réjouissez-vous. For your dew is as fresh as the dew of the morning. Parce que votre rosée comme la rosée matinale. Now he goes on to see. Alors il va voir. Isaiah now sees a special purpose for this glory. Maintenant, Isaïe voit que cette gloire avait un but spécial. He says, go my people. Vas-y mon peuple. Enter your chambre, your room. Entre dans vos chambres. Isaiah sees the following. Isaïe a vu ceci. He sees a special group of people. Il avait un groupe spécial de gens. God's treasured possession. Le trésor que Dieu possède. He now sees the people I was describing. Il voit maintenant les peuples que je décrivais ici. The same cloud did it with Israel. La même nuée a fait ça avec Israël. In Exodus 19. Dans Exode 19. And he said, even though I created all the nations. Même si j'ai créé toutes les nations. For me you shall be a treasured possession. Mais pour vous, vous serez un trésor que je possède. Now he's doing it with the church again. Maintenant il fait ça avec l'église encore. Isaiah sees a special people the Lord calls my people. Isaïe a vu un peuple spécial que Dieu appelle mon peuple. I have taught a serious sermon. J'ai enseigné une prédication sérieuse. It's called the My People Church. L'église qu'on appelle mon peuple. What is the church that the Lord calls my people? Quelle est l'église que Dieu appelle mon peuple? And I describe the characteristics. Et je décris les caractéristiques. So Isaiah sees my people. Alors Isaïe a vu mon peuple. But Isaiah sees the rapture of the church. Mais Isaïe a vu l'enlèvement de l'église. He sees them entering the rooms that Jesus went to prepare. Il les a vu rentrer dans les chambres que Jésus est allé préparer. In John chapter 14, 1 to 3. Dans Jean 14, verset 1 à 3. Let your hearts not be troubled. Que vos cœurs ne s'inquiètent pas. Trust in God, trust in me. Croyez en Dieu, croyez en moi. I am going to my father's place. Je vais chez mon père. In my father's house. Dans la maison de mon père. There are many chambres. Il y a plusieurs chambres. If I go there. Si je vais là-bas. I go to prepare a place for you. Je vais préparer une place pour vous. And if I go to prepare a place for you. Et si je prépare des places pour vous. I will be back. Je reviendrai. I will come back. Je retournerai. And take you. Et vous prendre. That you also may be where I am. Pour que vous soyez aussi là où je suis. The rapture of the church. Ça c'est l'enlèvement de l'église. Jesus himself describing it. Jésus lui-même a décrit cela. So Isaiah sees that event. L'Esaïe a vu cet événement. He sees the special elect church. Il a vu in les élites spéciales de Dieu. Entering the rooms. Entrer dans les chambres. And Isaiah sees another thing. Et l'Esaïe a vu d'autres choses. Every time I have given the vision here today. Chaque fois que je donne la vision ici. I have started by saying. J'ai commencé à dire. And I saw heaven open. Et je vis le ciel s'ouvrir. And I saw heaven open. Et je vis le ciel s'ouvrir. And I saw heaven open. Et je vis le ciel s'ouvrir. Meaning. Ça veut dire. I am busy announcing. Je suis en train d'annoncer that this is the dispensation, que c'est la dispensation of open heaven, des ciels ouverts. Isaiah now sees, maintenant Isaïe voit, go my people, va mon peuple, enter your room, entre dans ta chambre, and shut the door, et ferme la porte. Isaiah sees the shutting of heaven. Isaïe a vu la fermeture du ciel. When the dispensation of grace comes to an end, car la dispensation de la grâce vient à sa fin. The Holy Spirit has also been taken. Et le Saint-Esprit aussi est parti. Because the Holy Church, parce que la Sainte Église, is the holy habitation of the Holy Spirit. C'est l'habitation sainte du Saint-Esprit. When the Holy Church is raptured, car la Sainte Église est enlevée, the Holy Spirit also goes. Alors le Saint-Esprit aussi s'en va. Let nobody lie to you. Que personne ne vous ment. Oh, that which school do you believe in, pre-tribulation or mid-tribulation? Oh, vous croyez à l'enlèvement avant la tribulation ou bien pendant la tribulation? Don't listen to the wisdom of men. N'écoutez pas la sagesse des hommes. For me, I've seen the coming of the Messiah. Moi, j'ai vu la venue du Messie. And he has sent me. Et il m'a envoyé. You just prepare. Que préparez-vous. But listen to this. N'écoutez ceci. If you read 2 Thessalonians, si vous lisez 2 Thessaloniciens, chapter 2, chapitre 2, verse 3 running down, verset 3 jusqu'en bas, you hear him say, et vous l'entendez dire, that the powers of Antichrist is here. La puissance de l'Antichrist. But he says, il dit, the person of Antichrist will not be revealed. La personne de l'Antichrist ne sera pas révélée. Until he that holds him back, jusqu'à ce que celui qui le retient, is taken out of the way, soit retiré du chemin. Who holds the Antichrist? Qui est celui qui retient l'Antichrist? It is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. So that means, ça veut dire, when the rapture takes place, quand l'enlèvement aura lieu, and the holy habitation of the Holy Spirit is raptured, que la sainte habitation du Saint-Esprit est enlevée, then the Holy Spirit also has ended. Alors le Saint-Esprit aussi partira. The dispensation of grace has ended. La dispensation de la grâce sera finie. Then at that time, à ce temps-là, the Antichrist, l'Antichrist, can be revealed. Va être révélé. Let nobody lie to you. Que personne ne vous mente. Which school do you believe? Dans quelle école vous croyez? But Isaiah sees the shutting of the doors of heaven. Isaïe a vu la fermeture des portes du ciel. Isaiah sees the rooms that Jesus went to prepare for him. Isaiah a vu les chambres que Jésus est allé préparer au ciel. But look at this now. Mais écoutez ceci maintenant. When Isaiah sees the shutting of the doors, quand Isaïe a vu la fermeture des portes du ciel, Matthew 24, dans Matthieu 24, verse 36 on, verset 36 et en bas, nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. He says, il dit, even the Son of Man or the angels, même les anges ni le Fils de l'homme. Then he says, alors il dit, he says, like it was during the time of Noah. Comme c'était dans les jours de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Sera-t-il pour la venue du Messie? Number one. Premièrement. The time of Noah. Au temps de Noé. Nobody liked righteousness. Personne voulait de la droiture. Noah was going all over the earth. Noé allait partout sur la terre. Please prepare. S'il vous plaît, préparez-vous. I've seen it coming. Je l'ai vu venir. Righteousness. La justice. Holiness. La sanctification. Repent. Repentez-vous. Nobody wanted. Personne ne voulait ça. Today is happening. Aujourd'hui, ça arrive. The time of Noah. Au temps de Noé. Noah prepared an ark. Noé a préparé l'arche. Listen to this. Écoutez ceci. So now. Maintenant. The time of Noah. Au temps de Noé. If you read the book of Genesis chapter 7 verse 16. Quand tu lis le livre de Genèse chapitre 7 verset 13. He says, il dit, the animals going in were male and female of every creation. Les animaux qui y allaient étaient mâles et femelles de toute la création. And my version of the Bible says, and the door was shut. Dans la version de ma Bible, on dit, et la porte était fermée. But in Spanish, mais en espagnol, it says better. Il dit ça mieux. It says, it is, Señor cerró la puerta. Señor cerró la puerta. El Señor ferma la puerta. The Señor mismo, the Lord himself shut the door. Le Señor lui-même ferma la porte. Not Noah. Pas Noah. Because if Noah shut, si Noah avait fermé, Noah, open for me. Ouvre pour moi. Who is that? C'est qui? I'm the neighbor who gave you salt the other day when you borrowed salt from me. Je suis le voisin qui t'avait donné le sel l'autre jour quand j'ai demandé le sel. Meaning no mercy. Ça veut dire la normalité. The time of Noah. Au temps de Noé. The door was shut. La porte était fermée. And Isaiah sees the time of the rapture. Et Isaïe a vu l'enlèvement de l'église. The door is shut. Et la porte était fermée. When Jesus comes, quand Jésus vient, and talks about rapture, et parle de l'enlèvement, in Matthew 25, au Matthieu 25, and he talks about the wise virgins, the foolish virgins, et parle des vierges folles, des vierges sages, and he says, when the foolish virgins go to buy oil, et quand il dit que les vierges folles sont allées acheter de l'huile, like the church in French Guiana, l'église en Guyane française, she's busy buying right now, est occupée à acheter maintenant, and you see that when they go to buy, quand ils sont allés acheter, the Messiah comes, alors le Messie est venu, and when the Messiah comes, et quand le Messie est venu, the door is shut, la porte était fermée. Lord, Lord, Seigneur, Seigneur, open for us, ouvre-nous. Lord, Lord, Seigneur, Seigneur, open for us, ouvre-nous. And the Lord says, et le Seigneur dit, to tell you the truth, vous dire en vérité, I don't know you, je ne vous connais pas. In that scripture, Matthew 25, dans cette écriture de Matthieu 25, verse 10 and 11, verset 9 et 10, the Bible says, la Bible dit, when the wise church, the wise virgins entered, quand l'église des sages, les vierges sages sont rentrées, and the door, et la porte, was, était fermée. In Spanish it says, en espagnol il dit, el Señor, et le Seigneur, cerró la puerta, fermant la porte, and the Lord himself, et le Seigneur lui-même, shut the door, a fermé la porte. That means, ça veut dire, when this glory comes, quand cette gloire vient, and he sends me here, et m'envoie ici, I am not coming to announce the opening of the door. Je ne suis pas venu annoncer l'ouverture de votre. I'm coming to announce. Je suis venu annoncer that very soon, que bientôt, the door, la porte, will sera fermée. If you want to enter, si vous voulez entrer, enter now. Entrez maintenant. If you want to enter, enter now. Si vous voulez entrer maintenant. Because it says in a flash, in a twinkling of an eye. En un clin d'œil, ça va arriver. Meaning, ça veut dire, on that day you will not be there. À ce jour-là, tu ne seras pas capable de te préparer. Just come to close the door. Il va seulement fermer la porte. Precious people, précieux peuple, there is so much I wanted to give you, il y a beaucoup que je voulais vous donner. But I just appreciate you, je dois vous apprécier for your patience, pour votre patience. I appreciate you, je vous apprécie for everything, pour toutes choses, that you have been here this long, que vous avez été ici si longtemps. The last thing I want to say, la dernière chose que je vais dire, if you read the book of Numbers 11, si vous lisez le livre de Nombre 11, and you see that Moses selected 70 elders. Et vous voyez que Moïse a sélectionné 70 anciens. And when there was a lot of tossing and contest, il y avait des contests et discussions. Then the Lord says, bring them in my presence. Alors le Seigneur dit, amène-les dans ma présence. This very cloud that visited Mount Sinai, la même nuée qui a visité le Mont Sinaï, this very cloud came to the tent, la même nuée est venue à la tente, and led Israel, et a conduit Israël like this, comme ça. Can we read Deuteronomy chapter 1 verse 33? Only one. Deuteronomy chapitre 1 verset 33. And he says, et dit, can I read it? Est-ce que je peux le lire? Who went ahead of you, qui allait on your journey in fire by night and in a cloud by day to search out places for you to come and to show you the way you should go? Qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. You understand what he has come to do? Vous comprenez ce qu'il est venu faire? Because Israel had never been this way before. Parce que Israël n'a jamais pris ce chemin avant. So they did not know how to get there. Alors ils ne savaient pas comment atteindre là-bas. Because he saw that they were becoming rebellious, parce qu'il a vu qu'ils commençaient à devenir rebelles, and they had forgotten the vision and mission of God for them. Ils ont oublié la vision et la mission de Dieu pour eux. That if they reach the promised land, s'ils arrivent à la terre promise, one day the Messiah will come from them and deliver nations. Un jour le Messie viendra au travers d'eux et délivrer la nation. When he saw that they wanted to go back, quand il voyait qu'ils voulaient retourner, he came down himself. Il est descendu lui-même. Because their hearts were inclined to Egypt. Parce que leur cœur était retourné en Égypte. Like pots of meat. À cause des pots des concombres, fish, les poissons. Look at this now. Écoutez ceci maintenant. He's saying when he came down, quand il est descendu, il dit, he did this. Il a fait ceci. When the cloud settled, quand la nuée s'arrêtait, in fact, if you read, say, the day the cloud came on the tent, quand le jour la nuée est descendue sur la tente, he says, il dit, everybody came out. Tout le monde est sorti dehors. Wife and children. Les enfants et les femmes et les enfants. And they stood by the door of their small tent. Et ils étaient debout à la porte de leur tente. And they looked with fear. Et regardaient avec crainte. And he says, et il disait, when they saw the enormity of the visitation, quand ils ont vu l'énormité de la visitation, they just bowed down and worshiped. Ils se sont prosternés et ils ont adoré. You understand the message? Vous comprenez le message? The Lord is saying, you come out of your tents, right? Vous allez sortir de vos tentes. I don't know where your tent is. Je sais pas où sont vos tentes. It could be your marriage. Ça peut être votre mariage. When now the husband or the wife is saying, if you take Jesus, I divorce you. Il y a des hommes ou des femmes qui disent, si tu acceptes Jésus, je te divorce. You are serving Jesus too much. I need time for me also. I need you to give me time also. You're not giving me time. Serge Jésus beaucoup. J'ai besoin de temps avec toi. Tu dois me donner aussi le temps. Tu dois me donner le temps aussi. I need time also. J'ai besoin de ton temps aussi. Competing with Jesus. Compétissant avec Jésus. I don't know what is maybe your new house. Peut-être votre nouvelle maison. He said, but let us stand at the doors of those tents. Il dit, non, mettons-nous debout en dehors de cette tente. And just worship the Lord. Et adorons le Seigneur. Because when the cloud comes down, parce que quand la nuée descend, it is time to worship the Lord. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Everything else is put aside. Toute autre chose est mise de côté. Our marriages, everything must now depend on this. Nos mariages et toutes choses dépendent maintenant de ça. Alléluia. Alléluia. But look at this now. Mais regardez ceci maintenant. He says, when the cloud settled, quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. When the cloud lifted, quand la nuée montait, they followed. Ils suivaient. You see two different Israel. Tu trouves deux Israël différents. The rebellious Israel. Israël rebelle. But when the cloud comes, mais quand la nuée vient, 1,000,000,000% obedient. Un million de fois obéissant. Un milliard de fois obéissant. And now Israel is very obedient. Maintenant Israël est très obéissant. And he wrote down there in the book of Numbers chapter 9. Il a écrit dans Numbers chapitre 9, verse 15-23. Verset 15-33. He wrote down there. Il écrit là-bas that in so doing, en faisant ainsi, Israel obeyed the command of Jehovah. Israël a obéi à la commande de l'Éternel through Moses, au travers de Moïse. So which means, ça veut dire, when the cloud of God the Father comes down, quand la nuée de Dieu le Père descend, he's announcing, il annonce the dispensation of total obedience. La dispensation d'une obéissance totale. And he comes to crush the other voices, the Koré. Il vient pour détruire les autres voix, les Koré. He brings judgment also. Il amène le jugement aussi. Est-ce que tu peux montrer cette image? Koré. La Koré. He comes also if they say no. Si les gens disent, even me, I'm a prophet in this French Guiana. Moi aussi, je suis un prophète ici en Guyane française. One time in a meeting. Une fois dans une réunion. The meeting. I was standing at the altar. J'étais sur l'autel. And I was saying, the Lord has given me a sword. Je disais, le Seigneur m'a donné une épée. To slaughter the false prophets. D'égorger les faux prophètes. And the false apostles. Et les faux apôtres. I have seen the dream. J'ai vu ça dans le rêve. But all of a sudden, as I was saying so. Et soudainement, quand je disais ainsi. This is what appeared next to the sun. Ce qui est apparu à côté du soleil. I saw everybody with cameras like this. Tout le monde était avec une caméra comme ça. Did you understand why he comes? Vous comprenez pourquoi il est venu? With the handle. Avec la main sur l'épée. Flaming sword. Ça, c'est en flamme. There are many things I've not shared with you. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées avec vous. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. I am finished now. J'ai fini maintenant. But what I'm saying. J'ai dit ceci. Is that Jehovah? Est-ce que l'Éternel, knowing that the church is about to go back to Egypt, in fact, the heart is in Egypt. Really. En fait, le cœur de l'église est déjà en Égypte. That is the only way women can come here with short mini skirts. C'est la seule façon que les femmes peuvent venir. And lift their legs here before the Lord. Venir ici en mini jupe et croiser leurs jambes devant le Seigneur ici. That is the only way. Ça c'est la seule façon. That means their hearts are out in the sin. Parce que leur cœur est dans le péché. They are coming. They want the pastor to lust at them. Ils viennent pour que le pasteur puisse les combattre. I want to throw the pastor down. Je vais faire tomber le pasteur. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That at that time. À ce moment-là. Because of what is at stake. À cause de ce que ça prend. He had to come himself. Il doit descendre lui-même. And he says in Deuteronomy 1:33. Il dit en Deutéronome 1:33. He used to go ahead and search places. Il avait l'habitude d'aller de chercher un bon endroit. Let's see where there are lions. I don't want. Là où il n'y a pas de lions, This is a good place. There is water also. Oh, il y a de l'eau aussi. C'est un bon endroit. Then come back. Alors il revient. Il les prend. Il dit, venez. Venez, suivez-moi. Ah, quittez là-bas. Allez, venez. Venez, suivez-moi. Oui, venez. He took them. Il les a menés. He observed. Ils ont observé. A holy pilgrimage. Un pèlerinage saint. God the Father. Dieu le Père. Came from heaven. Venu du ciel. And lived in a human tent. A vécu dans une tente humaine. And observe a holy pilgrimage. Et a observé un pèlerinage saint. With Israel. Avec Israël. Until then. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Even now. Même maintenant. He has come. Il est venu. To observe a holy pilgrimage. Faire un pèlerinage saint. And show you which way to go. Et vous montrer quel chemin prendre. Until you. Jusqu'à ce que vous allez entrer. Did you understand me? Vous m'avez compris? Precious people. Précieux peuple. Did you understand what the Lord is saying? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur a dit? He's saying, il dit, when he looks at the church, quand il regarde à l'église, their heart is in the world. Leur cœur est dans le monde. She has forgotten the vision and mission of God for the church. Elle a oublié la mission et la vision de Dieu pour l'église. Which started at Calvary. Qui a commencé au Calvaire. That one day, en fait, qu'un jour, she may represent the bride of Christ in heaven. Qu'elle représente l'épouse de Christ au ciel. The reason for Jesus going to the cross. La raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. But you find the youth church is discos. Vous voyez l'église de la jeunesse dans les discos. And nowadays they are mixing tradition with worship here. Maintenant il y a le mélange de la tradition avec la louange ici. And everything is confusion. Et toute chose est confusion. If you look at the Catholics, they are not born again. Quand tu vois les catholiques, ils sont pas nés de nouveau. There is big confusion. The Lord showed me before. I came. Une grande confusion, le Seigneur m'a montré avant de venir. And the Lord is saying, le Seigneur dit, non, non, I have come myself. Je suis venu moi-même to defend the interests of Christ. De défendre les intérêts du Christ. And lead you. Et vous conduire. Until you enter. Jusqu'à ce que vous allez entrer. Precious people. Précieux peuple. At this hour. À cette heure. You. Vous. Must obey the cloud of God. Vous devez obéir à la nuée de l'Éternel. Because parce que he will show you which route. Il va vous montrer quel chemin. You just look at this. Look at this. Et regardez ceci. Look. Regardez. He could have taken a shortcut. Il peut prendre un chemin raccourci. But he faced the Red Sea straight like mais this. Mais il a regardé en face la mer Rouge. The Red Sea. La mer Rouge. And they panicked. Ils les ont paniqué. But when they obeyed. Mais quand ils ont obéi. He opened the sea. Il a ouvert la mer. And their enemies. Et leurs ennemis. Were swallowed. Ont été engloutis dans les eaux. How will your enemies be buried in the Red Sea if you are not obeying the voice of the Lord? Comment est-ce que vos ennemis seront enterrés dans la mer Rouge si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel maintenant? Lèvons-nous tous ensemble. Everybody rise up. Tout le monde, mettons-nous debout. I cannot add this. Je ne peux pas continuer. This is historic. Ça c'est historique. Let us clap to the president. Acclamons d'abord pour le président ici. Acclamons pour le président qui est ici. For being here. D'être ici. Thank you very much. Merci beaucoup. Let us clap to the Lord Jesus. Acclamons au Seigneur Jésus Christ. Listen to me. Écoutez-moi. I am leaving now. Je quitte maintenant. Tomorrow is a healing service. Demain c'est le service de guérison. My meetings end tomorrow. Ma réunion termine demain. If you know you have not been right with the Lord. Si tu sais que tu n'as pas marché droitement avec le Seigneur. I have 2 minutes. J'ai seulement 2 minutes. I have 2 minutes. 2 minutes seulement. Here before I step out. Ici avant que je sorte ici. If you know you are not right with the Lord, just lift up your hand, whether you are pastor, bishop, what does not even matter. Lève ta main si tu es pasteur, bishop, peu importe. Let, now repeat this prayer. Maintenant répétez cette prière. Precious Jesus. Précieux Jésus. I repent today. Je me repens aujourd'hui. And turn away from sin. Et me détourne du péché. Please loud. I turn away from sin. À haute voix, s'il vous plaît. Je me détourne du péché. And reject the world. Et je rejette le monde. And open up my life to you. Et j'ouvre ma vie à toi. And surrender my ministry to you. Et j'abandonne mon ministère entre tes mains. And ask you to visit my ministry. Et je te demande de visiter mon ministère. I receive you today. Je te reçois aujourd'hui. As my Lord and Savior. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Precious Lord. Précieux Seigneur. Establish the glory of your cloud in my church. Établis la gloire de ta nuée dans mon église. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Let me bless you. Laissez-moi vous bénir. Mighty Father. Puissant Père. The leadership is here. Les leaders sont ici. And the pastors are here. Et les pasteurs sont ici. Today I lift up my left prophetic arm. Je lève ma main gauche prophétique. Towards heaven. Au ciel. And decree that you will open heaven over this land. Je déclare que tu verras le ciel dans ce pays. You will bless them with revival. Tu vas les bénir avec le réveil. It will be an epicenter for revival. Ça va être un centre de réveil. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.